tombe bien, l'association, c'est deux noms. Le nom du chanteur, c'est Fred Poulet, et le titre de la chanson, c'est Alain Delon. D'autres prénoms, comme par exemple Eudes, Alceste, Geoffroy, Agnan. Je vais vous faire écouter, Johann Sfar, une lecture des histoires du petit Nicolas. Ces lectures, elles sont faites par Alain Chabat. Alain Chabat, il a tout de suite trouvé... Alain Chabat, c'est mieux qu'Alain Delon, quand même. Oui, je suis assez d'accord. D'autant que là, il a tout de suite trouvé pour la lecture du petit Nicolas le bon débit, la bonne vitesse, parce que quand il raconte, Chabat, lui aussi, il a 8 ans. Quand on sort de l'école le mercredi soir, on est tous drôlement contents. D'abord parce qu'on sort de l'école, ensuite parce que le lendemain, c'est jeudi, on ne retourne pas à l'école. Et puis parce qu'on passe devant le cinéma du quartier, et c'est le jour où ils changent le programme, et nous, on voit ce qu'ils donnent. Et si c'est un film chouette, à la maison, on demande à nos papas et à nos mamans de nous donner des sous pour aller le voir le lendemain, et quelquefois ça marche. Pas toujours, surtout si on a fait les guignols à l'école et si on a eu de mauvaises notes. Et là, on a vu qu'il donnait un film terrible. Ça s'appelait Le Retour de D'Artagnan. Il y avait plein de photos avec des mousquetaires dessus qui se battaient avec des épées et qui étaient habillés avec des grands chapeaux à plumes, des bottes et des grands pardessus, comme la panoplie que Geoffroy a eue pour son anniversaire. Et la maîtresse l'a grondé quand il est venu habillé en classe comme ça. Moi, je suis dans les 25 premiers cette semaine, a dit Joachim. Mon papa, il me donnerait sûrement des sous pour aller voir le film. Moi, a dit Eudes, mon papa, je le regarde droit dans les yeux et il me donne toujours ce que je veux. Donne des claques, oui, a dit Mexan. T'en veux une tout de suite, a demandé Eudes. En garde, a crié Mexan. Et avec les règles qu'ils ont sorties de leur cartable, ils ont commencé à faire les mousquetaires. Ventre cinglé. Vous savez que D'Artagnan a vraiment existé, a dit Agnan. J'ai lu un livre où on expliquait qu'il s'appelait Charles de Batz, qu'il est né à Lupiac dans le Gers et qu'il est mort à Maastricht, 1611-1673. Mais comme Agnan, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, nous on l'aime pas trop, alors on lui a même pas répondu, puis on était trop occupés à faire les mousquetaires avec notre aigle. Ventre cinglé. Jusqu'à ce que la caissière du cinéma soit sortie pour nous dire de partir, qu'on empêchait les gens d'entrer voir le film. Et voilà, c'était Alain Chabat, extrait de lecture du petit Nicolas. C'est bien, hein? C'est merveilleux. Vous aussi, vous écrivez des livres qu'on dit pour enfants. Vous êtes notamment directeur d'une collection jeunesse aux éditions Bréal. Non, ça s'est cassé la gueule, on a mis la clé sous la porte. Mais les livres sont toujours en librairie. Ah d'accord, c'est plus important d'une certaine façon. Oui, il n'y avait plus de pognon, donc c'est pas... Voilà. Mais vous essayez de faire quoi avec une collection dite jeunesse? Pervertir la jeunesse. Pervertir la jeunesse, je trouve les enfants sont trop bien élevés. On voit avec la résurgence de la religion chez les jeunes que maintenant la réaction vient de la jeunesse. C'est très inquiétant. On a des vieillards progressistes et des jeunes qui se voilent et qui sont de plus en plus cons. Donc l'idée c'est de mettre le verre dans le fruit et de réapprendre que le livre jeunesse n'est pas là pour dire ce que disent les enseignants ou ce que disent les parents, mais pour amener une troisième voie ou une main secourable au sein de la famille. Et moi je crois qu'il y a des gosses qui sont en danger psychologique tellement on les laisse élevés par des imbéciles. Rien que ça. Oui, mais mes auteurs pour enfance préférés, c'est des gens justement comme Goscinny ou comme Roald Dahl, qui disent qu'il n'y a rien de plus fécond que la bêtise humaine et qui vivent là-dessus, et que c'est bien vis-à-vis des enfants de montrer des situations où il y a des adultes imbéciles et où il y a des choses pas résolues par les grands. Moi je le vois même avec mes petits, mon immense plaisir c'est quand ils me posent des questions dont j'ai pas la réponse, c'est de dire je sais pas. Et malheureusement là, tout le monde aime bien savoir, et parce que les jeunes ils veulent des réponses sûres. Et alors dès qu'il y a un imbécile avec une barbe qui va leur donner une réponse sûre, que ce soit le Père Noël ou un imam, ils vont le suivre. Et moi j'aime bien les mettre en situation de désarroi ou d'inquiétude ou tout ça. Par exemple, quand j'interviens dans des classes et que je me trouve face à des jeunes gens qui s'imaginent que les juifs c'est uniquement Ariel Sharon, et que j'explique que non, moi je viens d'une famille juive, mais ma grand-mère elle parlait l'arabe même si elle faisait semblant de pas le parler, et puis les juifs sont arrivés en Algérie en 500 avant Jésus-Christ. Enfin, au bout d'une heure, ils me disent que moi je suis compliqué, et là si je suis compliqué, je suis content du voyage. Et en dehors de montrer dans les livres jeunesse des adultes qui peuvent être des imbéciles, de quelle autre façon on peut leur apporter une main secourable aux jeunes enfants dont vous parlez? Moi j'ai le sentiment que la collection jeunesse la plus intéressante c'est les folios poches qu'on trouve chez Gallimard, qui sont en fait des livres qui racontent des récits épiques aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et c'est un peu l'objectif qu'on poursuit avec la collection Bayou qui paraît chez Gallimard ce mois-ci, où il s'agit de penser rien moins qu'à Hugo Pratt ou Tardy ou Will Eisner en faisant des bandes dessinées, c'est-à-dire faire des grandes bandes dessinées épiques avec beaucoup de pages qui s'adressent pas directement aux enfants mais qui sont en tout cas lisibles aussi par des jeunes. Et moi j'ai fait mes des humanités avec des auteurs qui n'étaient pas estampillés jeunesse. Bizarrement, ça va être Rabelais ou ça va être Brassens ou ça va être Prévert qui ont ouvert des portes et après elles se sont pas refermées. Donc j'ai l'impression qu'on est, quand on est petit, on cherche un marchepied pour le monde des grands. On cherche pas forcément à rester cantonné dans un monde de petits. C'est toute la force de Goscinny, c'est qu'on peut le relire chaque année, puis on comprend une blague qu'on n'avait pas compris l'année d'avant. Ou... Donc moi j'aime bien quand c'est pas juste le rayon enfance. Pour moi jeunesse c'est pas l'enfance, c'est plus large que ça. Mais d'ailleurs parmi les gens que vous citez, bon il y a votre papa, il y a votre mamie, hein, on l'a dit, il y a votre tonton aussi. Tu gères ton fille. Ouais, j'avais compris. Et il y a Hugo Pratt. Et dans le dessin d'Hugo Pratt, qu'est-ce qui vous émeut, Joël Serre? Non, mais c'est pas que dans le dessin, c'est dans l'homme aussi. D'abord, à ma connaissance, c'est un des premiers auteurs de bande dessinée qui, à la fois, est resté dans la filiation de la bande dessinée d'aventure à la Milton Caniff, mais qui, en même temps, a tenu compte de tous les acquis de l'art contemporain et de la peinture et du graphisme. Et on a l'impression que c'était à la fois l'enfant de Matisse et pourquoi pas même parfois de Claude Viala quand il se met à faire des tâches dans l'océan. Et moi, j'aime bien que la bande dessinée prennent en compte ce qu'on va appeler bêtement la culture générale, c'est-à-dire ce qui se passe autour. Et ensuite, d'un point de vue personnel, moi j'aime bien les gros types virils et attachants comme Romain Gary, Hugo Pratt ou Joseph Kessel, ça me bouleverse. Il y a une mode en ce moment du type qui joue pas le vrai mec, qui chante de manière un peu grelottante derrière un piano et qui croit qu'il fait de la chanson française, moi ça m'agace. Moi j'aime bien les vrais gros mecs attachants, moi j'aime bien Lino Ventura, j'aime bien Hugo Pratt. Ça, en tant que fille, c'est ça qui me séduit, moi. Vous avez plein de théories, en fait. Ah bah ça je suis comme une radio, hein. Ça parle tout le temps et c'est pas que pour dire des trucs intelligents. Hein. Alors, il y a un harmonica, là. Oui, parce que la dernière fois, à votre émission, j'ai joué du ukulélé et puis c'était pas très bien. Alors, vous voulez rectifier le tir. Ouais, mais là, en même temps, je suis un peu impressionné, hein. Alors ça va être difficile. Détendez-vous. Mais c'est si ça vient spontanément dans la conversation, par exemple, si tu abordes un sujet où, hop, tu dis à propos, et alors là, spontanément, je fais de l'harmonica, d'accord. Mais là, je suis... Là. D'accord, alors... Attends, ça vient. Quand tu parles vraiment d'un sujet grave, quand tu dis, mais les jeunes sont en train de mettre les banlieues à feu et à sang... Ah, j'ai pas dit ça. Ah si, absolument pas dit ça. Alors en fait ils font ça parce qu'il n'y a rien à la télé. Il faut bien qu'ils sortent le soir et tout. Et voilà. Mais alors là, des fois tu fais. Alors moi mon truc c'est. Je vais vous faire du pied de mer. Je vais vous laisser tout seul en fait. Mais non, parce que au début vous m'avez dit je veux pas parler tout seul, je suis un peu fatigué, il va encore falloir parler à la France d'en bas et tout, alors. Mais bien sûr. Alors moi j'ai ça, c'est pour faire des musiques de juifs, alors attends. Non mais c'est parce qu'en fait on m'a inscrit à la SACEM cette année parce que j'ai fait deux clips pour Dionysos et pour Thomas Fersen et je me dis que si je colle une petite musique dans chaque émission où je vais, il y a peut-être de la maille à faire. Oui. D'accord, ouais. Oui, c'est pour ça que vous habitez dans une maison. Un palais. Un palais. Un palais, oui. D'accord. Oui. C'était une maison, c'était trop petit parce que j'ai un peu grossi et il fallait de l'espace. Je suis... Combien vous pesez? Deux fois plus qu'Alexandre Adler. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire 8000 kilos. Là, il est 9h38 et avant qu'on commence l'émission, vous m'avez dit, bon, il faut vraiment que je réussisse à ne pas parler de sexe pendant une heure. C'est fait. Pour le moment, le pari est tenu. C'est fait, je me suis présenté à la populace comme une créature répugnante et adipeuse. À la populace. Enfin, à la plèbe. Ouais. Mais j'aime pas qu'on soit toujours trop sympathique avec les gens et qu'on les voit avec aménité. Je pense que la plupart sont d'une acculturation folle et il faut pas forcément leur adresser la parole. On travaille pour soi. Vous l'avez dit. En revanche, il y a quelqu'un pour lequel vous avez une admiration sans borne parce qu'il hante aussi les pages, notamment de vos carnets, c'est Brassens. Ah oui, c'est vrai. Allez, soyez gentils deux secondes. Et quoi? Parler de Brassens. Ah, je dois parler de Georges Brassens. Mais je sais pas parce que ça vieillit pas, c'est toujours agréable à écouter. Et puis, les Américains, ils ont Johnny Cash, nous on a Brassens, les deux sont très très bien. Mais si on voulait savoir d'où on vient, pour moi on vient de ce que l'école a fait de nous. Et j'ai eu la chance au CM2 d'avoir une institutrice qui s'appelle Madame Klein, qui nous a présenté la même année Dubout, Georges Brassens et Jacques Prévert et Colette aussi. Et j'en suis resté un peu là. Et c'est vrai que j'écoute nuit et jour. Et à chaque fois, il y a des malheureux qui essaient de faire des disques où ils reprennent les chansons de Brassens et c'est super touchant. Mais je me dis, mais non, c'est pas le côté le côté vraiment Georges Brassens. Et vous savez jouer à l'harmonica, Brassens? Ah oui, mais pas avec celui-là parce que j'ai pas amené celui qu'il faut, donc je peux pas. Ah, c'est un harmonica spécialement. Ça fait un harmonica dans des tonalités mineures, c'est que pour faire pleurer dans les chaumières. Après, Georges Brassens, c'est bizarre. Mais il fait des mélodies, on ne sait pas d'où ça vient, Brassens. C'est très compliqué. Moi, je ne suis pas très intelligent, mais il n'est pas dans une gamme de musique. C'est pas majeur ou mineur, c'est un truc. Il a pris la note qui tombait derrière. Et puis, oh non, c'est super émouvant dès qu'il y a Brassens quelque part. Et vous savez d'où viennent vos dessins? De ma tête. Parce qu'il y a plein de gens qui font croire que c'est dans les mains et que c'est de l'habileté et tout. En fait, non, c'est dans la tête. Pour dessiner, il faut être extrêmement intelligent. Il faut juste une intelligence hors pair pour dessiner bien. Et alors, en même temps, il faut être un peu un imbécile. C'est Moebius qui m'explique ça. Il dit, alors, il faut être intelligent parce que quand même, il faut comprendre l'espace et tout. Et en même temps, il faut être bête parce qu'il faut réussir à croire que ce que tu fais sur le papier, c'est pour de vrai. Donc, il y a un côté bloqué dans l'enfance, quoi, un peu. J'ai un génie en face de moi, d'une certaine façon. Mais moi aussi, j'ai un génie de la radio en face de moi et je suis vachement impressionné. Eh ben, rien que pour vous embêter, c'est pas Brassens qu'on va écouter, c'est Aznavour.